Let us look at the Jewish Hanukkah. Les regardons à la Hanouka juive. The Jewish Hanukkah is a very important time. La Hanouka juive est un temps très important. When the Jewish people celebrate a victory. Quand les Juifs célèbrent une victoire. They commemorate the Hanukkah to celebrate a victory. Ils commémorent Hanouka pour célébrer une victoire. But what victory do they celebrate? Mais quelle victoire célèbrent-ils? They celebrate two forms of victory. Ils célèbrent deux formes de victoire. One of them is a military victory. L'une d'entre elles est une victoire militaire. And the other is a spiritual victory. Et l'autre, une victoire spirituelle. So in fact, Hanukkah has been dubbed, has been renamed. En fait, Hanukkah a été renommé. Dare to fight, dare to light celebration. Oser lutter, oser éclairer une célébration. Because at one point, parce que à un point, the land of Israel was conquered by a Greek Syrian king called Antiochus IV. Le pays d'Israël était conquis par un roi gréco-syrien appelé Antiochus IV. And when this Greek Syrian king conquered Israel, et quand ce roi gréco-syrien a conquis Israël, that land, ce pays, he conquered the land and he instituted tremendous rules and changes. Il a conquis le pays et a institué d'énormes lois et changements within Israel, among the Israelites. En Israël, sur les Israélites. He was very tyrannical. Il était tyrannique. Very forceful and very mighty and powerful. Il était plein de force, très puissant, plein de pouvoir. That's why the Hanukkah festival is called Dare to Fight, Dare to Light. C'est pourquoi la fête de Hanukkah s'appelle Oser lutter, oser éclairer. Who could dare fight him? Qui oserait lutter contre lui? And during this time, the Jewish people celebrate a major victory. Pendant ce temps, le peuple juif célèbre une victoire majeure. Over darkness. Why darkness? Sur les ténèbres. Pourquoi les ténèbres? Now, when the king Antiochus, maintenant, quand le roi Antiochus, took over, the Greek Syrian king took over the land, he conquered the land. Le roi gréco-syrien a conquis le pays. He did the following. Il a fait ce qui suit. He commanded the Jewish people, the Israelites. Il a commandé au peuple juif, aux Israélites, to reject their God. De rejeter leur Dieu. Because the Greeks never believed in Jehovah. Parce que les Grecs n'ont jamais cru Jéhovah. So he commanded the Israelites to reject their God. Alors il a commandé aux Israélites de rejeter leur Dieu. Reject their religion. De rejeter leur religion. Reject their worship. De rejeter leur adoration. Reject their culture. De rejeter leur culture. Reject their customs. De rejeter leurs coutumes. And reject their belief. Et de rejeter leur foi. And in the process, et dans ce processus, he forced them to adopt. Il les a forcés à adopter. And begin worshiping the Greek gods. Et de commencer à adorer des dieux grecs. The gods of the sun. Le dieu du soleil. The gods of the moon. Le dieu de la lune. And the gods of the wind. Et le dieu du vent. This brought a great spiritual darkness within the land. Ça a apporté une de très grandes ténèbres dans le pays. And within the temple of the Lord. Et dans le temple du Seigneur. The same king Antiochus entered into the temple of the Lord. Le même roi Antiochus est entré dans le temple du Seigneur. And he touched articles that were being used to worship Jehovah, the Most High God. Et il a touché des articles qui étaient censés être utilisés pour adorer Jéhovah, le plus grand Dieu. He touched them, he defiled them. Il les a touchés et les a souillés. Touched the objects there, looted some of them. Il a touché les objets là et en a pris quelques-uns. So they used it to worship the Greek gods. There were many gods. Alors ils les ont utilisés pour adorer des dieux grecs. Ils ont beaucoup de dieux. He instituted pantheonism. Il a institué le panthéisme. Which is the worshiping of many gods, the way the Greeks worship many gods. Qui est l'adoration de beaucoup de dieux. Les Grecs adorent beaucoup de dieux. And a great gross darkness entered the land of Israel. Et les grandes ténèbres dans le pays d'Israël, and even the temple of the Lord, et même dans le temple du Seigneur, in Jerusalem, en Jérusalem, alléluia, alléluia, And during that time, et pendant ce temps, he also looted the treasury of the house of the Lord. Il a aussi pris le trésor de la maison de Dieu. So he tremendously defiled the house of the Lord. Alors il a souillé d'une manière énorme la maison du Seigneur. In Jerusalem. À Jérusalem. And he brought what we call the Greek and Hellenist. Et il a apporté ce que vous auriez appelé le grec, l'hellénisme. The Hellenic rule. Les lois helléniques. Over the temple. Sur le temple. He brought the temple right under the Greek and Hellenic rule. Il a amené le temple juste dans des commandements grecs et helléniques. That brought the darkness to a different level. Ça a amené les ténèbres dans un niveau différent. Alléluia. Alléluia. And the Greeks essentially believed in human intellectualism. Et les Grecs essentiellement croient à l'intellect humain. Human wisdom, human glory. La gloire humaine, la sagesse humaine. The peak of which was during Plato and Socrates. Le sommet, c'était Platon et Socrate. You see that? Vous voyez ça? Those are the thinkers, the great thinkers, the human intellectuals. Ce sont les penseurs, les grands penseurs, les intellectuels humains. The human glory. La gloire humaine. Alléluia. Alléluia. People that study the stars, the moons. Les gens qui étudient les étoiles, la lune. And they did not believe in Jehovah, the Most High God. Et ils ne croient pas en Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. So surely, this was a great period of darkness that ruled over the land of Israel. Alors, certainement, c'était une grande période de ténèbres qui a régi sur Israël. And even the holy temple of the Lord in Jerusalem. Et même le Saint-Temple du Seigneur à Jérusalem. Little did they know that this was a prophecy of what was going to befall the church. Savaient-ils que c'était une prophétie qui allait tomber sur l'Église? Alléluia. Alléluia. We see the church is also in a great darkness right now. Vous voyez que l'Église est aussi dans de grandes ténèbres juste maintenant. Being ruled by intellectualism. Étant gouvernée par l'intellectualisme. The more degrees you have as a pastor, the degrees of theology. Plus vous avez de degrés comme pasteur, de degrés de théologie. The more respected you are. Plus vous êtes respecté. The more amount of money you have, the more feared and respected you are as a pastor. Plus vous avez d'argent, plus vous êtes craint et respecté comme pasteur. The richer the church is, the richer its accounts, the bigger the building, the more respected the church is. Plus l'église est riche, plus son compte est riche, plus riche est le bâtiment, plus l'église est respectée. The newer the private jet that the pastor has, plus le jet privé que le pasteur a est nouveau, the greater he is considered within the Christian community. Plus grandement il sera considéré dans la communauté chrétienne. Surely that's a great darkness. Certainement, c'est de grandes ténèbres. We hear of sex scandals. Nous entendons parler de scandales sexuels. Televangelists falling into sexual sin. Des télévangélistes qui tombent dans des péchés sexuels. Books are written about them. Des livres sont écrits à propos d'eux. This is the gross period of darkness that this darkness in Israel during the Hellenic rule and the Greek rule prophesied unto the church. C'est la grande période de ténèbres dont ces ténèbres en Israël durant le gouvernement helléniste et le gouvernement grec ont prophétisé sur l'Église. And you see that this was happening about 2,300 years ago. Et vous voyez que ça s'est passé à peu près 2,300 ans plus tôt. Essentially speaking a prophecy to the great gross darkness. Essentiellement disant une prophétie sur les fortes grandes ténèbres. That would hit the church. Qui vont frapper l'Église. And so the Greeks never believed. Et alors les Grecs n'ont jamais cru. In Jehovah, the Most High God. En Jéhovah, le très haut Dieu. They never believed. The Greeks never believed. Les Grecs n'ont jamais cru. In Jehovah, the God of Israel. En Jéhovah, le Dieu d'Israël. But as they forced and commanded the Jewish people, the Israelites. Mais comme ils ont forcé et commandé le peuple juif, les Israélites. To worship, abandon their God. D'adorer, d'abandonner leur Dieu. And begin worshiping the many Greek gods. Et de commencer à adorer beaucoup de dieux grecs. The majority of the Hebrew people, la majorité du peuple hébreu, refused to worship the Greek gods. A refusé d'adorer les dieux grecs. They refused to abandon Jehovah. Ils ont refusé d'abandonner Jéhovah. Even if the temple was directly under the Greek and Hellenic rule. Même si le temple était directement sous la direction des Grecs et Helléniques. And a revolt emerged. Et une révolte imaginée. They resisted this rule. Ils ont résisté ce gouvernement. And one of the key people is called Judah Maccabee. Une des personnes clés qui s'appelait Judah Maccabée. Judah Maccabee rose as a leader among the Hebrews. Judah Maccabée s'est élevé comme leader au-dessus du peuple hébreu. And staged the fight and he defeated the Greek rulers and the Greek kingdom. Et a mis en scène un combat et il a vaincu les dirigeants grecs et le royaume grec. So the Greek rule came to an end in Israel. Alors le gouvernement grec a pris fin en Israël. Even the temple of the Lord. Même le temple de Seigneur. And that's why, c'est pourquoi the Hanukkah celebrations, la célébration de Hanukkah, are called the festivals of the light, est appelée la fête de la lumière. And that's why I bring it into you here. C'est pourquoi je vous la porte ici. Because this is so critical into the parable of the five foolish virgins and the five wise virgins. Parce que c'est si important dans la parabole des saints vierges folles et des saints vierges sages. At the end of this, you'll be so astonished. À la fin de ceci, vous allez être tellement étonné. At the depth of the word of God. De la profondeur de la parole de Dieu. The Hanukkah festival. La fête de Hanukkah. Falls under the Torah, the five books of Moses. Se trouve dans la Torah, les cinq livres de Moïse. Alléluia. Alléluia. It is also called, c'est aussi appelé, the festival of the miracle of the oil. La fête du miracle de l'huile. In the house of the Lord. Dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. It is also called, c'est aussi appelé, the Hanukkah celebrations. La célébration de Hanukkah. And you see that it is widely celebrated. Vous voyez que c'est largement célébré. And when they celebrate, they mark three major events. Et quand ils le célèbrent, ils marquent trois événements majeurs. They mark number one, a military victory. Ils marquent, numéro un, la victoire militaire. Over the Greek rule that brought darkness. Au-dessus du gouvernement grec qui a amené les ténèbres. And then they mark a spiritual victory. Et ensuite, il marque une victoire spirituelle. The passing, the removal away of the darkness that had overshadowed the land. Le passage, la suppression des ténèbres qui avaient ombragé le pays. And the temple of the Lord in Jerusalem. Et le temple du Seigneur à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. And the third thing they mark is the big miracle of the oil. Et la troisième chose qu'il marque, c'est le grand miracle de l'huile. In the temple of the Lord, in the house of the Lord. Dans le temple du Seigneur, dans la maison du Seigneur. And it is also called the festival of the lights. Et c'est aussi appelé la fête de la lumière. Because during that time, the lamps of the Lord are lit. Parce que pendant ce temps, les lampes du Seigneur ont brûlé. It also marks the rededication. Ça marque aussi la redédication of the temple of the Lord in Jerusalem, du temple du Seigneur à Jérusalem, back to the Lord. De retour au Seigneur. Alléluia. Alléluia. So we see very clearly, alors vous voyez très clairement, that when the Hebrew people had conquered the Hellenists, que quand le peuple hébreu a conquis les Hellénistes, they had conquered the Hellenic rule, the Greek rule. Ils ont conquis les gouvernements helléniques, les lois grecques. They had conquered that. Ils ont conquis cela. They finally started cleaning up the temple of the Lord. Et ils ont finalement nettoyé le temple du Seigneur. And they were struggling. Et ils étaient en train de lutter. To rekindle the lamp of the Lord in the temple of the Lord in Jerusalem. Pour rallumer les lampes du Seigneur dans le temple du Seigneur à Jérusalem. But when they looked around, because the Hellenic rule had touched the articles of the Lord. Alors quand ils ont regardé autour, parce que les gouvernements hellénistes avaient touché les articles du Seigneur. And defiled the temple, looted the treasury. Souillé le temple, pris le trésor. They looked for the oil. Ils ont regardé pour l'huile. They did not find any consecrated olive oil. Ils n'ont pas trouvé aucune huile d'olive consacrée with which to light the lamp of the Lord. Pour éclairer la lampe du Seigneur. Alléluia. Alléluia. And remember that during the time of the Hellenic rule, the Greek rule. Et souvenez-vous que durant le temps du gouvernement hellénique, du gouvernement grec, the Greeks used to light up the lamp within the house of the Lord. Avaient l'habitude d'allumer les lampes dans la maison du Seigneur. Using defiled olive oil. Utilisant de l'huile d'olive souillée. Non-consecrated olive oil. De l'huile d'olive qui n'était pas consacrée. So they really defiled every element of worship in the house of the Lord. Alors ils ont vraiment souillé chaque élément d'adoration dans la maison du Seigneur. So now the Hebrew people were trying to rededicate the temple of the Lord. Alors maintenant, le peuple hébreu essayait de redédier le temple du Seigneur. Back to Jehovah Yahweh. De retour, Jehovah Yahweh. And they searched and they did not find any oil with which to rekindle the lamp of the Lord in the temple of the Lord. Et ils ont cherché, ils n'ont trouvé aucune huile pour rallumer la lampe du Seigneur dans le temple du Seigneur. Then finally they ran into this one vial. Et finalement, ils ont trouvé dans un récipient of consecrated olive oil, d'huile d'olive consacrée. That was of the old during the time when the glory of the Lord used to visit the temple. Qui était d'avant, pendant le temps où la gloire du Seigneur visitait le temple. And they used this to light, the eternal lamp. Et ils ont utilisé ceci pour allumer l'éternelle lampe. The eternal fire of the Lord in the house of the Lord. Le feu éternel du Seigneur dans la maison du Seigneur. Remember the lamp of the Lord in the house of the Lord. Souvenez-vous, la lampe du Seigneur dans la maison du Seigneur never extinguished. Ne s'éteignait jamais. Once it was lit, quand c'était allumé, there were several priests that kept going that had the consecrated sacred anointing oil, sacred olive oil, the consecrated oil. Il y avait plusieurs prêtres qui allaient sans cesse pour ajouter l'huile consacrée, qui est sacrée, d'onction, l'huile d'olive sacrée, l'huile consacrée. They kept adding and it never went off. Ils continuaient d'en ajouter et ça ne s'éteignait jamais. Alléluia. Alléluia. And that also reminds you. Et ça vous rappelle aussi. Of the time when Samuel, the prophet of God, was being called by Jehovah. Le temps où Samuel, le prophète de Dieu, a été appelé par Jéhovah. Samuel was lying next to the Ark of the Covenant. Samuel était couché près de l'Arche de l'Alliance. And the Bible says, et la Bible dit, and the lamp of God had not gone off. It never went off. Et la lampe du Seigneur ne s'est pas éteinte, ne s'est jamais éteinte. So they found one vial. Alors ils ont trouvé un récipient in the temple of the Lord in Jerusalem. Dans le temple du Seigneur à Jérusalem. And this one vial, et ce récipient, was of the original oil, était l'huile originale, the consecrated olive oil, l'huile d'olive consacrée, and it was just enough for one day, et c'était juste assez pour un jour. But they used it to light the lamp of the Lord. Alors ils ont utilisé cela pour rallumer la lampe du Seigneur. Now, the light of the Lord that was eternal was called, in Hebrew they call it Ner Tamid. Maintenant, la lampe du Seigneur qu'ils appelaient, en hébreu, ils appellent ça Ner Tamid. So they used this one, it stood for the eternal light of the Lord in the house of the Lord. Alors, ils l'utilisent, hein, pour représenter la lumière éternelle du Seigneur dans la maison du Seigneur. They use this little vial. Ils utilisent ce petit récipient of consecrated original olive oil. D'huile d'olive consacrée et originale. To light the eternal light of the Lord. Pour allumer l'éternelle lumière du Seigneur. The eternal fire of the Lord in the house of the Lord. Le feu éternel du Seigneur dans la maison du Seigneur. In the temple of the Lord in Jerusalem. Dans le temple du Seigneur à Jérusalem. But now, when they lit it, it was just sufficient for one day. Mais maintenant, Quand il l'allumait, il y avait juste assez d'huile pour un jour. Once lit, nobody is supposed to ever extinguish the light of the Lord. Une fois allumé, personne n'est supposé jamais éteindre la lumière du Seigneur. And this light of the Lord, et cette lumière du Seigneur, is always found in all houses of Jewish worship, est toujours trouvée dans toutes les maisons juives qui adorent. This is how they worship Jehovah. C'est comme ça qu'ils adorent Jéhovah. And so they cleansed up the temple. They cleaned it up. Alors ils ont purifié le temple. Ils l'ont nettoyé. Found this one vial. Ils ont trouvé ce récipient. They used it now to light Neev Tamid. Ils l'utilisent maintenant pour éclairer Neev Tamid. Which is the eternal light of the Lord. Ce qui est la lumière éternelle du Seigneur. But the tragedy here was that it was just enough oil. Mais la tragédie ici, c'était qu'il y avait juste assez d'huile. For one day. Pour un jour. And yet to clean up the temple of the Lord. Et maintenant, pour nettoyer le temple du Seigneur. They needed 7 straight days of the burning of the lamp of the Lord. Ils avaient besoin que la lampe du Seigneur brûle pendant 7 jours. And then they would continue into eternity. Et ensuite, ils auraient continué pour l'éternité. To burn the lamp of the Lord, the light of the Lord. De brûler la lampe du Seigneur, la lumière du Seigneur. In the temple of the Lord. Dans le temple du Seigneur. In Jerusalem. À Jérusalem. But when they poured and lit, a miracle happened. Mais quand ils ont rempli et allumé. Alléluia. Alléluia. The lamp of the Lord in the house of the Lord in Jerusalem. La lampe du Seigneur dans la maison du Seigneur à Jérusalem. Continued burning for 8 good straight days. A continué à brûler pendant 8 bons jours durant. Alléluia. Alléluia. The tiny little consecrated olive oil. La toute petite quantité d'huile d'olive consacrée was able to carry them through to burn for 8 straight days, not 7 but 8. A été en mesure de les porter en brûlant pendant 8 jours durant. Non 7 mais 8 jours. And that is the miracle that the Jewish people do celebrate during Hanukkah. Et ça c'est le miracle que le peuple juif célèbre lors de Hanukkah. The Hanukkah is celebrated on the 25th day of the Jewish month of Kislev. Le Hanukkah est célébré le 25e jour du mois juif de Kislev. And it normally comes around Christmas time. I remember very well in Israel. Et ça arrive à peu près autour du temps de Noël. Je me souviens très bien en Israël. It was very cold, the winter is setting in. Il faisait très froid, l'hiver était là. That's when the Hanukkah songs began. C'était quand les chants de Hanukkah commençaient. We started going to Hanukkah festivities. On commençait d'aller aux festivités de Hanukkah. And it is celebrated for 8 days. Et c'est célébré pendant 8 jours. Commemorating the 8 days of the miracle of oil. Commémorant les 8 jours de l'huile. When the Lord himself, he was able to oil the lamp of God in the house of the Lord, the temple of the Lord in Jerusalem. Que le Seigneur était en mesure de huiler la lampe de Dieu dans la maison du Seigneur, dans le temple du Seigneur à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. And that's why I bring it in very critical here. C'est pourquoi je la porte. C'est très important ici. When Christ was speaking about the big parable of the 5 foolish virgins. Quand le Seigneur était en train de parler à propos de la grande parabole des 5 vierges folles. And the 5 wise virgins. Et des 5 vierges sages. No wonder the Hanukkah is called the festival of the lights. Pas étonnant que le Hanukkah est appelé la fête des lumières. The festival of the lamps. La fête des lampes. Now, during the Hanukkah. Maintenant, durant le Hanukkah. The 8 lamps are lit. Les 8 lampes sont allumées. It's called the menorah. The candelabra is the menorah. Ça s'appelle le menorah. Le candélabre s'appelle le menorah. And the leading one that is used to light each one of them. Et la tête, celle qui est supposée allumer chacun des autres, each one for each day, un pour chaque jour, so they are eight at the end, alors à la fin ils sont huit, is called shamash. Ça s'appelle shamash. In other words, the servant. En d'autres mots, le serviteur. And that stands for, et ça se tient pour, the Lord that was able to light the eight others for the 8 days. Le Seigneur qui était en mesure d'allumer les huit autres pour les 8 jours. The big miracle of the oil. Le grand miracle de l'huile. That continued burning in the temple of the Lord. Qui a continué à brûler dans le temple du Seigneur. For 8 straight days. Pour pendant 8 jours durant. Alléluia. Alléluia. Burning the eternal lamp. Brûlant la lampe éternelle. The eternal fire of the Lord. Le feu éternel du Seigneur. In the house of the Lord. Dans la maison du Seigneur. Now, what is the spiritual significance of the Hanukkah? Alors maintenant, quelle est la signification spirituelle de Hanukkah? Even unto the church. Même pour l'Église. Within the Hebrew community. Dans la communauté hébraïque. The celebrations of the Hanukkah. La célébration de Hanukkah. Also represents when Moses met the burning bush. Représente aussi quand Moïse a rencontré le buisson ardent. That is the same time at which they also celebrated. Ça c'est aussi dans ce même temps qu'ils le célèbrent. They say that is the same light that Moses met. Ils disent ça c'est la même lumière que Moïse a rencontrée. The eternal fire of the Lord. Le feu éternel du Seigneur. And we see very clearly. Et vous voyez très clairement. That surely in the house of the Lord Jehovah. Que sûrement dans la maison du Seigneur Jéhovah. Jesus is the eternal lamp. Jésus est la lampe éternelle. The eternal light. La lumière éternelle. That was lit by Jehovah our God. Qui était allumée par Jéhovah notre Dieu. In his house. Dans sa maison. That we may have that light in the house forever. Afin que nous puissions avoir cette lumière dans la maison pour toujours. To eternity. Pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. So when the five wise virgins. Alors quand les saints vierges sages. And the five foolish virgins. Et les saints vierges folles. When they lit their lamps, they essentially were symbolizing. Quand elles ont allumé leur lampe, elles symbolisaient essentiellement. The fact that their lamps were being lit by the eternal lamp of the Lord. Le fait que leur lampe avait été allumée par la lampe éternelle du Seigneur. The eternal light of the Lord. La lumière éternelle du Seigneur. That is our Lord Jesus lighting up the lives of the Christians. Qui est le Seigneur Jésus allumant les vies des chrétiens. Alléluia. Alléluia. No wonder. Pas étonnant. The five wise virgins. Que les cinq vierges sages. The same lamps that our Lord Jesus lit in their lives. Les mêmes lampes que le Seigneur Jésus éclaire dans leur vie. They were able to enter with into eternity. Étaient capables d'entrer dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. They entered with into the wedding supper of the Lamb of God. Elles sont entrées avec au festin de noces de l'agneau de Dieu. So when the period of darkness hit the land of Israel, alors quand la période de ténèbres a frappé le pays d'Israël, which time now they celebrate during Hanukkah, lequel temps ils célèbrent durant Hanukkah, it was a mighty prophecy of the great darkness. C'était une prophétie puissante des grandes ténèbres that would cover the house of the Lord, the church. Qui va couvrir la maison du Seigneur, l'Église. And then there would be a need. Et ensuite, il va y avoir un besoin. For the eternal lamp, the eternal fire of the Lord, that's our Lord Jesus. La lampe éternelle, l'éternel feu du Seigneur, qui est notre Seigneur Jésus. To light up the lives of the remnant church, the remnant bride of Christ. Pour éclairer les vies de l'Église restante, l'épouse restante de Christ. With an eternal lamp. Avec une lampe éternelle. A non-extinguishable lamp. Une lampe qui ne s'éteint pas. qui ne peut pas s'éteindre. And Jehovah God himself, et Jehovah Dieu lui-même, through the Holy Spirit, would refuel that lamp into eternity. À travers le Saint-Esprit, remplirait cette lampe pour l'éternité. And that's why the miracle of the oil of the lamps. C'est pourquoi le miroir de l'huile des lampes in the temple of the Lord in Jerusalem, dans le temple du Seigneur à Jérusalem, was a mighty prophecy, oh, quelle puissante prophétie, that was speaking about the passing away, the rededication, à propos de laquelle il était parlé, le passage, la redédicace, of the temple of the Lord, of the house of God, the church of Christ, du temple du Seigneur, de la maison de Dieu, de l'église de Christ, that would come after the great period of darkness, qui va venir après cette grande période de ténèbres, that would completely engulf the church, va complètement engloutir l'église. And you see that after the Hellenic rule, et vous voyez que après le gouvernement hellénique, now the Hebrew people were able to rededicate the temple, maintenant le peuple hébreu a été capable de redédicacer le temple. Rekindle the lamp of God, the eternal light of God in the house. Rallumant la lampe de Dieu, l'éternelle lumière de Dieu dans la maison. In the temple of the Lord in Jerusalem. Dans le temple du Seigneur à Jérusalem. And the Lord himself was able through the Holy Spirit. Et le Seigneur lui-même était en mesure à travers le Saint-Esprit to continue fueling that lamp that is Jesus. Continuer à remplir cette lampe qui est Jésus. That is in the house of the Lord in Jerusalem. Que même la maison du Seigneur à Jérusalem. Speaking a prophecy that during the last days before the rapture. Disant une prophétie que durant les derniers jours avant l'enlèvement. There will be a gross darkness in the house of the Lord, the church. Il va y avoir de grandes ténèbres dans la maison du Seigneur, l'église. And then there will be a time of rededicating the temple of the Lord. Et ensuite, il va y avoir un temps de redédicace du temple du Seigneur. That's the minority, the remnant church. Ça c'est la minorité, l'église restante. That would eventually be lit up finally. Qui va être à la fin allumée finalement. Their lamps will be lit up. Les lampes vont être allumées. With the light of the world. Avec la lumière du monde. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. I am the light of the world. Hallelujah. Je suis la lumière du monde. Alléluia. So you too, you are the light of the world. Alors vous aussi, vous êtes la lumière du monde. The eternal light that would bring light into the darkness that would engulf the world. L'éternelle lumière qui va amener la lumière dans les ténèbres qui vont engloutir le monde. And this is the same darkness that is very typical of the church right now. Et c'est les mêmes ténèbres qui sont typiques à l'église juste maintenant. And that's why you see that the five wise virgins, c'est pourquoi vous voyez que les cinq vierges sages, the lamps they lit, les lampes qu'elles avaient allumées, as they stepped out to go wait on the bridegroom, alors qu'elles sont sorties pour rencontrer l'époux, were the same lamps they entered with into the wedding of the Lamb of God, étaient les mêmes lampes qu'elles avaient quand elles sont entrées au mariage de l'époux. Therefore implying that God himself would now refuel the lamps of the five wise virgins. Donc impliquant que Dieu lui-même va remplir les lampes des cinq vierges sages into eternity, pour l'éternité. Because they are now the bearers of the eternal light, the eternal fire, the eternal lamp of the Lord. Parce que maintenant, elles sont les porteuses de l'éternelle lumière, l'éternel feu, l'éternelle lampe du Seigneur. The light of the world, that is our Lord Jesus. La lumière du monde, qui est notre Seigneur Jésus. So that is the great prophecy that's embedded within the Jewish culture. Alors, ça c'est la grande prophétie qui est intégrée dans la culture juive. That was speaking about the parable of the five foolish virgins. Dont il est parlé dans la parabole des cinq vierges folles. And of the five wise virgins. Et des cinq vierges sages. The virgins that set out. Les vierges qui sont sorties. Stepped out of the house of the Lord when darkness had engrossed the house. Elles sont sorties de la maison du Seigneur quand les ténèbres ont rempli la maison. To wait on the bridegroom. Pour attendre l'époux. Five of whom were lit to eternity. Cinq d'entre elles ont été allumées pour l'éternité. That is what the Lord was speaking to the church. Ça, c'était ce que le Seigneur était en train de dire à l'Église. So therefore, alors donc, in conclusion here, en conclusion ici, even in finishing here, même en finissant ici, the parable of the 10 virgins, 5 wise and 5 foolish. La parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles, is deep and seated right at the center of the rapture of the church. Est profonde et placée au centre de l'enlèvement de l'Église. And in there we have seen that is embedded the secrets. Et là-dedans, nous avons vu et impliqué le secret of what church constitutes the remnant bride of Christ. De quelle Église constitue l'Église restante de Christ. And we see very clearly. Et vous voyez très clairement that the Lord is telling the church. Que le Seigneur est en train de dire à l'Église. If you want to enter into the rapture. Si vous voulez être enlevé, be available. Soyez disponible. Allow the Holy Spirit to fill you. Permettez au Saint-Esprit de vous remplir. Wash you. Lavez-vous. Cleanse you. Make you radiant. Purifiez-vous. Faites-vous radieuse. And even as you have been lit by the eternal light of the Lord, that's our Lord Jesus. Et même si vous avez été allumé par l'éternelle lumière du Seigneur, qui est le Seigneur Jésus, the same Holy Spirit. Le même Saint-Esprit will now refuel you into eternity. Veut maintenant vous remplir pour l'éternité. Because the candles in the house of the Lord, parce que les bougies de la maison du Seigneur, the lamp in the house of the Lord in Jerusalem, la lampe dans la maison du Seigneur à Jérusalem, did not only light for 7 days, n'a pas seulement brûlé pour 7 jours, but spilled over into the next day of the new week, mais a débordé jusqu'au jour suivant de la nouvelle semaine. And therefore, even the 5 wise virgins, et donc, même si les 5 vierges sages, when they were lit, quand elles ont été allumées, their lamps did not just carry them through up to when the rapture happened, ne les a pas conduites seulement jusqu'à l'enlèvement, but right into the rapture and eternity. Mais juste dans l'enlèvement pour l'éternité. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May you be available to him. Puissiez-vous lui être disponible. And may you be infilled with the Holy Spirit. Puissiez-vous être rempli du Saint-Esprit. May your lamp light. Faites briller votre lampe. Into eternity. Jusque dans l'éternité. Shalom. Shalom.